بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، Inch'Allah, d'ici deux, trois jours, on entrera dans ce mois béni qui est le mois de Ramadan, qui est le 9e mois du calendrier musulman, durant lequel Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala a rendu le jeûne de ce mois un des 5 piliers de l'islam. D'où l'importance d'étudier et de lire pour apprendre un minimum de règles qui incombent à chaque musulman qui va entreprendre cet acte d'adoration qui est le jeûne. Car comme vous le savez, le savoir, la science, elle précède la parole et l'acte. Comme l'a bien dit l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, dans son sahih, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, chapitre, le savoir précède la parole et l'acte. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Et la preuve de cela est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens du verset: sache que nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah, puis demande le pardon pour toi-même. Il a précédé le savoir à la parole et à l'acte. On va voir quelques fatawa de Cheikh l'imam al-Mufti Abdelaziz ibn Abdillah ibn Baz rahimahullahu ta'ala, ce grand savant de l'islam, ce grand imam d'Ahl al-Sunnati wal-Jama'a, qui était l'ancien grand mufti du royaume d'Arabie Saoudite, qui est né en l'an 1330 de l'Hégire et qui est mort en l'an 1420 de l'Hégire à l'âge d'à peu près de 90 ans rahimahullahu ta'ala. Il est né aux environs de 1910 et il est mort en 1999, alayhi rahmatullah. Ce grand savant, parmi les ouvrages qu'il a laissés, alayhi rahmatullah, il y a celui-là qui s'intitule Tuhfatul Ikhwan bi ajwibatin muhimmatin tata'allaqu bi arkanil islam. Donc c'est un recueil qu'il a mis de fatawa concernant les 5 piliers de l'islam. Les 2 attestations, la salat, la zakat, le jeûne du mois de Ramadan et le hajj. Et donc on va voir le chapitre qui nous concerne, qui est As-Siyam, le jeûne. As-Siyam, et on dit aussi As-Sawm, qui sont 2 synonymes, qui veut dire l'abstention, le fait de s'abstenir. En langue arabe, le fait de s'abstenir d'une chose, c'est un sawm. La personne, elle est en état de saum. Comme lorsque Maryam, alayhi salam, elle a pris l'engagement de faire le saum, c'était quoi son engagement? C'était de ne pas parler, de s'abstenir du langage, de ne pas parler aux gens. Inni nadhartu lirrahmani sauma. Et ici, son saum à elle consistait à ne pas parler aux gens. C'est le fait de s'abstenir. Et le sens religieux du terme « somme » en islam, c'est aussi de s'abstenir, mais de choses qui vont annuler le jeûne. Si la personne, elle les entreprend, si elle les fait, ça va annuler le jeûne. Donc, il va s'en abstenir. Il va s'abstenir de boire, de manger, d'avoir des rapports avec son épouse et de tout ce qui pourrait annuler le jeûne pendant et durant un moment bien précis. Depuis le lever de l'aube véridique jusqu'au coucher du soleil. Taïeb. Au début, le jeûne qui était obligatoire pour les musulmans, c'était le jeûne du jour de Ashura. Les musulmans, le prophète sallam leur a ordonné de jeûner le jour de Ashura, qui est le 10e jour de Muharram. C'est en ce jour qu'Allah tabaraka wa ta'ala a sauvé, épargné Moussa alayhi salam et sa communauté contre Pharaon et ses troupes qui ont été noyées et péries. Et qui ont péri. Et les Juifs ont, pour célébrer ce jour et pour remercier Allah tabaraka wa ta'ala de ce don et de cette victoire, ils jeûnaient ce jour. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien précisé, nous sommes plus en droit de Moussa qu'eux. Et il a demandé à la communauté de le jeûner. Puis, en l'an 2 de l'Hégire, la deuxième année de l'émigration, le jeûne du mois de Ramadan a été rendu obligatoire. Et de ce fait, le jeûne de Ashura est resté seulement recommandé, conseillé. Celui qui veut le jeûne, et celui qui ne veut pas ne le jeûne pas. Et il y a une très grande récompense pour celui qui le jeûne. Et celui qui est devenu obligatoire est devenu un des cinq piliers de l'islam et le jeûne du mois de Ramadan. La première question. Ala man yajibu siyamu Ramadan wa ma fadlu siyamihi wa siyamu at-tatawwu'. Envers qui le jeûne de Ramadan est obligatoire? Il incombe à qui? Et quel est le mérite de son jeûne et le jeûne surérogatoire? Al-Jawab, la réponse. Yajibu sawmu Ramadan ala kulli muslimin mukallafin min ar-rijali wan-nisa. Le jeûne du mois de Ramadan est un devoir, une obligation pour tout musulman mukallaf, c'est-à-dire celui qui est devenu responsable de ses actes, celui à qui il incombe les ordres divins et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire celui qui a atteint la véritable majorité reconnue dans la religion. Et la majorité reconnue dans la religion, c'est l'âge de la puberté. Et la puberté, on la reconnaît avec des signes qu'on retrouve chez le garçon et la fille. Et il y a certains signes qui sont propres à la fille. Si les signes n'apparaissent pas, l'âge pris en considération dans la religion, c'est 15 ans. L'âge de 15 ans, s'il n'y a pas les signes qui apparaissent. ويستحب لمن بلغ سبعا فأكثر وأطاقه من الذكور والإناث. Et il est recommandé, conseillé pour les enfants dès qu'ils ont atteint l'âge de 7 ans ou un peu plus. Celui parmi ces enfants qui en a la capacité, c'est-à-dire qui ne trouve pas de difficulté à jeûner, que ce soit les garçons ou les filles. Donc obligatoire à partir de l'âge de la puberté, de la majorité reconnue dans la religion. Recommandé pour ceux qui n'ont pas encore atteint cet âge-là. Et 7 ans, c'est l'âge à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé qu'on ordonne la prière aux enfants. Avant 7 ans, on n'ordonne pas la prière. On ne demande pas la prière aux enfants. Si l'enfant il a envie de prier avec ses parents, avec sa famille, il n'y a pas de souci. Mais toi, tu n'as pas à lui demander. Le premier moment où tu commences à lui demander, c'est l'âge de 7 ans. Il ne faut pas contredire les ordres du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On suit la sunna convenablement dans tous les domaines, sur toutes les questions. Une personne, elle dit, non, moi je vais commencer avant. Cette personne croit avoir trouvé quelque chose que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas enseigné. Le prophète a demandé à partir de 7 ans. Murru awladakum bis salati wa hum abna'u sab'a. Ordonnez la salat à vos enfants lorsqu'ils ont 7 ans. Ce qui veut dire qu'avant 7 ans, tu ne leur ordonnes pas. C'est encore des petits. Parce que 7 ans, en général, c'est l'âge de, qu'on appelle en arabe, temyiz. De la distinction, du discernement. L'enfant n'est pas encore pubère, mais il a le discernement. Il discerne entre le bien et le mal, ce qu'il faut faire de ce qu'il ne faut pas faire. Il comprend des choses qu'avant il ne comprenait pas. Donc, à partir de 7 ans ou un peu plus, parce qu'à la base, 7 ans, c'est demandé pour la salat. D'accord? Et l'enseignement qui est donné au prophète, du prophète sallam, donc, c'est pour qu'il s'habitue. Qu'il y prenne goût, habitude, comme ça, lorsque le moment de la puberté arrive, il connaît déjà et il sait déjà faire. Wayajibu ala awliya'i umurihim amruhum. Et donc, leurs parents, ceux qui ont un droit sur ces enfants-là, les tuteurs légaux de ces enfants-là, se doivent de leur ordonner, de leur demander cela, le jeune, lorsqu'ils en ont la capacité, comme ils leur ordonnent la prière. Wal-aslu fi hadha qawlullahi azza wa jal, ya ayyuhalladhina amanu. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. La preuve de cela est la parole d'Allah Azza wa Jal dans le sens du verset de la sourate Al-Baqarah, la sourate la vache, les versets 183 à 184, dans le sens du verset « Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit, vous a été ordonné, comme il a été ordonné, il a été prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous soyez pieux, durant des jours bien comptés. Celui parmi vous qui est malade ou en voyage, et donc, qui n'a pas jeûné à cause de cela, il devra rattraper un nombre de jours équivalent plus tard. Il a un qala subhanahu, shahru ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an, hudan linnas, wa bayyinatin min al-huda wal-furqan, faman shahida minkum al-shahra, falyasum, wa man kana maridan, ou à safarin, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Jusqu'à qu'Allah, glorifié soit-il, a dit, dans le sens du verset, toujours dans la sourate Al-Baqarah, la vache, le verset numéro 185. Le mois de Ramadan, durant lequel a été descendu le Coran, comme guidé pour les gens, et clarification de la guidée et du discernement. Celui qui est présent durant ce mois de Ramadan, qui est témoin de ce mois de Ramadan alors qu'il le jeûne, et celui qui est malade ou en état de voyage et de ce fait n'a pas jeûné, il devra rattraper un nombre de jours équivalent plus tard. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. متفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapportée par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim dans leurs deux authentiques, d'après l'honorable compagnon, fils de l'honorable compagnon Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'islam est bâti sur cinq piliers. L'attestation que nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah, d'accomplir la salat, de donner la zakat, de jeûner le mois de Ramadan, et d'accomplir le pèlerinage. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, lamma sa'alahu Jibra'il alayhi salam, an al-islam, qal al-islam, an tashhada an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan rasulullah, وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. خرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأخرج معناه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. Il y a aussi la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il fut questionné par l'ange Gabriel, l'ange Jibra'il, Jibril. Ces deux façons de le nommer en arabe, elles sont authentiques. On dit Jibril et on dit Jibra'il. Alayhi salam. Lorsqu'il questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'islam, informe-moi sur l'islam. Qu'est-ce que l'islam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: l'islam, c'est que tu témoignes que nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah, que tu accomplisses la salat, tu donnes la zakat, tu jeûnes le mois de Ramadan, et tu accomplisses le pèlerinage vers la maison sacrée, si tu en as les moyens et la capacité. Le hadith, rapporté par l'imam Muslim, dans son authentique, d'après le prince des croyants, le deuxième grand calife de l'islam, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Et on a le sens de ce hadith, qui est rapporté par les deux cheikhs, c'est-à-dire Al-Bukhari et Muslim, d'après le hadith de l'honorable compagnon Abu Hurayrata radiyallahu anhu. Wa fi as-sahihayn an Abi Hurayrata radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala: man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال. Et dans les deux authentiques, Bukhari et Muslim, d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et conviction, c'est-à-dire il accomplit ce jeûne pour deux raisons. Ces deux raisons, c'est quoi? C'est qu'il a la conviction que c'est, il est en train d'accomplir un ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi il jeûne? C'est il se soumet à l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah lui a ordonné de jeûner et il accomplit ce jeûne. Et au même moment, il n'attend comme récompense de ce jeûne que la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il jeûne car il accomplit un ordre divin et il attend la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et conviction, tous ses péchés antérieurs lui sont pardonnés. Wa thabata anhu sallallahu alayhi wa sallam annahu qala: yaqulu Allah azza wa jalla: kullu 'amal ibn adam lah al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhaf illa as-siyam fa innahu li وأنا أجزي به ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك متفق على صحته. Il a été authentifié que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah Azza wa Jal a dit: Donc c'est un hadith qudsi, un hadith à thème divin. Donc le prophète sallam nous raconte ce récit qui sont les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah dit, toutes les œuvres du fils d'Adam sont à lui. Il en gagne profit et bénéfice. Chaque bonne action est multipliée par 10 jusqu'à 700 fois. Sauf le jeûne qui est à moi. Et c'est moi qui en donnerai la récompense. C'est-à-dire que l'œuvre du jeûne, le jeûne, c'est l'œuvre que personne ne peut voir. Celui qui l'accomplit, lui sait qu'il jeûne. Mais les gens en face de lui ne le voient pas. Par rapport aux autres œuvres que les gens voient. Et Allah subhanahu wa ta'ala réserve une récompense pour celui qui jeûne, qui est accepté d'Allah tabaraka wa ta'ala. On n'en connaît pas la quantité de cette récompense. Il n'y a qu'Allah qui sait quelle est la récompense qui lui sera donnée. Le jeûneur a délaissé son désir, sa nourriture et sa boisson pour moi. Pour le jeûneur, deux moments de joie. Au moment, il a une joie, au moment où il rompt son jeûne. Et il a une joie au moment de rencontrer son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et l'haleine, l'odeur que laisse la bouche du jeûneur, elle sent plus bon auprès d'Allah que l'odeur du musc. Le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Wal-ahadithu في فضل صوم رمضان وفي فضل الصوم مطلقا كثيرة معلومة والله ولي التوفيق. Et les hadiths sur les mérites du jeûne de Ramadan et sur les mérites du jeûne, quel que soit ce jeûne, complètement, ils sont nombreux et ils sont connus et c'est auprès d'Allah qu'on retrouve le succès. السؤال الثاني question numéro 2 هل يؤمر الصبي المميز بالصيام وهل يجزئ عنه لو بلغ في أثناء الصيام Est-ce qu'on ordonne à l'enfant qui atteint l'âge de discernement, de distinction, de jeûner? Et est-ce que cet enfant qui viendrait à atteindre l'âge de la puberté en pleine journée de jeûne, il a commencé à jeûner, mais il n'était pas encore pubère, donc pour lui, ce n'était pas une obligation. Et en plein milieu de la journée, il atteint la puberté. Est-ce que cette journée de jeûne, elle lui est comptée, elle est acceptée? Al-Jawab, la réponse. Sabaqa, fi jawab al-su'al al-awwal, anna al-sibyan wal-fatayat إذا بلغوا سبعا فأكثر يؤمرون بالصيام ليعتادوه. On a vu précédemment, dans la première question, que les garçons et les filles, les enfants garçons et filles, lorsqu'ils ont atteint 7 ans ou un peu plus, on leur ordonne de jeûner pour qu'ils prennent l'habitude. وعلى أولياء أمورهم أن يأمروهم بذلك كما يأمرونهم بالصلاة. Et leurs responsables, leurs tuteurs, leurs parents se doivent de leur ordonner le jeûne comme ils le font pour la salat. فإذا بلغوا الحلم وجب عليهم الصيام. Et lorsqu'ils deviennent pubères, alors le jeûne devient obligatoire pour eux. وإذا بلغوا في أثناء النهار أجزأهم ذلك اليوم. Et si ils atteignent la puberté en plein milieu de la journée, donc cela sera valide pour eux. Le jour de jeûne, il est valide pour eux. فلو فرض أن الصبي أكمل الخامسة عشرة عند الزوال وهو صائم ذلك اليوم أجزأه ذلك. Si à titre d'exemple, l'enfant, il atteint les 15 ans à l'heure de dhuhr. Le zawal, c'est ce qu'on appelle le zénith. Le zénith, c'est que lorsque le soleil, il est en plein milieu du ciel. En plein milieu. Dès qu'il commence à pencher, le soleil, on rentre dans l'heure de dhuhr. C'est l'heure de dhuhr. D'accord. Donc, az-zawal, c'est le zénith. Donc, cet enfant-là, c'est à ce moment-là précis qu'il a ses 15 ans. Qu'il a ses 15 ans. Parce qu'il est né à ce moment-là de la journée. D'accord? Donc, le jeûne a déjà commencé. Il a déjà commencé le jeûne. Et à ce moment-là, pour lui, c'est une obligation. Alors, ça sera valide. La journée, elle est valide. وَكَانَ أَوَّلَ النَّهَارِ نَفْلًا وَآخِرَهُ فَرِيضَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ بَلَغَ قَبْلَ ذَلِكَ بِإِنْبَاتِ الشَّعْرِ الْخَشِنِ حَوْلَ الْفَرْجِ وَهُوَ الْمُسَمَّى الْعَانَةُ أَوْ بِإِنْزَالِ الْمَنِيِّ عَنْ شَهْوَةٍ وهكذا الفتاة الحكم فيها سواء إلا أن الفتاة تزيد أمرا رابعا يحصل به البلوغ وهو الحيض. Donc, il a atteint les 15 ans parce qu'avant, il n'y avait pas les signes. Il n'avait pas les signes de la puberté. Donc, il fallait attendre l'âge. Donc, en début de journée, son jeûne à lui, il était quoi? Surérogatoire. Seulement recommandé. Et il termine sa journée avec un jeûne qui est obligatoire pour lui. Ceci, si avant ses 15 ans, il n'y avait pas les signes. Et les signes, le cheikh les cite, c'est les poils qui poussent sur le pubis, au-dessus du sexe. En arabe, on appelle ça al-ana. Ou alors qu'il y ait éjaculation lorsqu'il y a un désir. Ça aussi, c'est un des signes de la puberté. Et pour la fille, c'est comme le garçon, sauf que la fille, elle a un autre signe qui se rajoute, qui est réservé aux filles, et qui est un des signes de la puberté, qui sont les menstrues. Le sang qui coule, hein, d'un moment à l'autre, une fois par mois en général. Thalithan, on appelle ça aussi les règles et les menstrues. سؤال الثالث troisième question أيهما أفضل للمسافر الفطر أم الصيام وخاصة السفر الذي لا مشقة فيه كالسفر في الطائرة أو الوسائل الحديثة الأخرى Qu'est-ce qui est le meilleur pour le voyageur? De rompre son jeûne, de ne pas jeûner ou de jeûner? En précisant que le voyage, il n'y a pas de difficulté retrouvée dedans, comme le fait de voyager en avion ou par un autre moyen de transport moderne. Al-Jawab, la réponse. Al-Afdal lis-Sa'imi, al-Fitru fi safar mutlaqan. Le meilleur à faire pour le voyageur complètement, dans n'importe quel voyage, c'est de ne pas jeûner. وَمَنْ صَامَ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ Mais celui qui viendrait à jeûner, il n'y a pas de mal en cela. Aucun grief ne lui est fait. لِأَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَبَتَ عَنْهُ هَذَا وَهَذَا Car il est rapporté du prophète صلى الله عليه وسلم telle situation et telle situation. Les deux. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم et il en est de même pour les compagnons رضي الله عنهم لكن إذا اشتد الحر وعظمت المشقة تأكد الفطر mais s'il y a une forte chaleur et que la difficulté s'accentue alors il est encore plus demandé à la personne de ne pas jeûner وكره الصوم للمسافر et il sera détestable déconseillé pour cette personne de jeûner لأنه صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا قد ظلل عليه في السفر من شدة الحر وهو صائم قال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu un homme à qui on lui faisait de l'ombre, parce qu'il avait une chaleur forte et qu'il était en état de jeûne, il se forçait à jeûner, le prophète sallam a dit, il n'est pas bien. Cela n'est point une marque de bienfaisance de jeûner durant le voyage. وَلِمَا ثَبَتَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ وَفِي لَفْظٍ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ. Et il a été authentifié que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah aime qu'on prenne les facilités qu'il nous donne, de même qu'il déteste qu'on commette une désobéissance, c'est-à-dire les péchés. ولا فرق في ذلك بين من سافر على السيارات أو الجمال أو السفن والبواخر وبين من سافر في الطائرات. Et il n'y a pas de différence entre celui qui voyage en voiture ou à dos de chameau ou dans des bateaux ou dans les avions. Quel que soit le moyen entrepris, c'est un voyage. Il n'y a pas de différence sur les moyens de transport. فَإِنَّ الْجَمِيعَ يَشْمَلُهُمْ إِسْمُ السَّفَرِ. Car tous, ils ont un point en commun. C'est quoi? C'est qu'ils sont en voyage, quel que soit le moyen entrepris. وَيَتَرَخَّصُونَ بِرُخَصِ. Et ils prennent les facilités qui sont données aux voyageurs. وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ شَرَعَ لِلْعِبَادِ أَحْكَامَ السَّفَرِ وَالْإِقَامَةِ فِي عَهْدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِمَنْ جَاءَ بَعْدَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Et du fait aussi qu'Allah tabaraka wa ta'ala a légiféré pour ses serviteurs les règles du voyage et de la résidence à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour tous ceux qui viennent après lui jusqu'au jour dernier. فَهُوَ سُبْحَانَهُ يَعْلَمُ مَا يَقَعُ مِنْ تَغَيُّرِ الْأَحْوَالِ وَتَنَوُّعِ وَسَائِلِ السَّفَرِ. Et Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui échappe. Allah, sa science est infuse, infinie. Il connaît le passé, le présent et le futur. Rien ne lui échappe. Azza wa jal. Et tous les changements qu'il pourrait y avoir d'une époque à une époque, et les changements de moyens de transport et de façon de voyager, tout ceci est bien connu auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. ولو كان الحكم يختلف لنبه عليه سبحانه. Et si le jugement devait changer selon les façons de faire des gens, selon les méthodes de voyage des gens, Allah subhanahu wa ta'ala nous aurait fait la remarque, nous en aurait parlé. عز وجل كما قال عز وجل في سورة النحل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. Allah nous dit dans le Coran, dans le sens du verset de la sourate An-Nahl, les abeilles, le verset numéro 89, dans le sens du verset, et nous avons fait descendre sur toi le livre comme description et comme clarification de toutes choses et comme guidée et miséricorde et bonne annonce pour les musulmans. وقال سبحانه في سورة النحل أيضا والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. Et Allah nous dit aussi, toujours dans la sourate An-Nahl, les abeilles, le verset numéro 8, dans le sens du verset, Allah a créé, c'est lui qui a créé subhanahu wa ta'ala et qui a mis à disposition des gens, de ses serviteurs, les chevaux, et les mulets et les ânes, pour monter dessus, pour s'en servir comme monture et aussi comme et il crée ce que vous ne savez pas, subhanahu wa ta'ala. Sual al-rabi'. La question numéro 4. T'avais dit dans la question numéro 2 que tu avais dit dans la question numéro 1 qu'on ordonne le jeûne à l'âge du discernement, à Oui. 7 ans. Et je crois que la première question, tu avais dit qu'on ordonne la prière. Non, non, on a parlé. On avait parlé de Semza. Oui, Non. non. Sual al-rabi'. La question numéro 4. بماذا يثبت دخول شهر رمضان وخروجه؟ وما حكم من رأى الهلال وحده عند دخول الشهر أو خروجه؟ Ça, c'est une question importante. Toutes elles sont importantes, mais celle-là, elle arrive. Avec quoi on reconnaît l'entrée du mois de Ramadan et la fin du mois de Ramadan? Et quel est le jugement concernant une personne qui a vu le croissant de lune? Pour le début du mois ou la fin, ou le début du mois qui est après le Ramadan. El-Jawab, la réponse. Yathbutu dukhulu ash-shahr wa khurujuhu bi shahidai adl fa akthar. Donc, l'entrée du mois, le début du mois et la fin du mois est reconnue et prise en considération lorsqu'il y a deux témoins ou plus, deux personnes qui témoignent avoir vu le croissant de lune. Donc, ويثبت دخوله فقط بشاهد واحد. Et c'est reconnu l'entrée du mois aussi par un seul témoin. Un seul témoin. لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإن شهد شاهدان فصوموا وافطروا. Car le prophète sallam a dit dans le hadith authentique, et si deux témoins viennent à témoigner, alors jeûnez et rompez le jeûne, c'est-à-dire commencez le mois et terminez le mois de Ramadan. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر الناس بالصيام بشهادة ابن عمر رضي الله عنهما. Et il a été authentifié que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux gens de jeûner par le témoignage de Abdullah ibn Omar. Par le témoignage de Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma. Wa bi shahadati a'rabi, de même par le témoignage d'un bédouin. Wa lam yatlub shahidan akhar, alayhi salatu wa salam. Et à ce moment-là, il n'a pas demandé qu'il y ait un autre témoin pour appuyer. والحكمة في ذلك والله أعلم الاحتياط للدين في الدخول والخروج. Et la sagesse en cela, et Allah est bien plus savant, c'est la précaution à prendre dans la religion, dans l'entrée du mois et la sortie du mois, le début du mois et la fin du mois. كما نص على ذلك أهل العلم. Comme ceci a été précisé et cité par les gens de science. ومن رأى الهلال وحده في الدخول أو الخروج ولم يعمل بشهادته. Et celui qui témoigne avoir vu l'entrée du mois de Ramadan ou la fin du mois de Ramadan, mais qu'on n'a pas pris en considération son témoignage. On ne l'a pas pris. فإنه يصوم مع الناس ويفطر مع الناس. Celui-là, il devra jeûner avec la communauté, avec les gens, et rompre son jeûne avec les gens. ولا يعمل بشهادة نفسه في أصح أقوال أهل العلم. Et sur l'opinion la plus sûre qu'il y a dans la divergence entre les gens de science, c'est qu'il ne doit pas appliquer, mettre en pratique son témoignage. Qui est ce seul témoignage qu'il y a et qui n'a pas été pris en considération. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون والله ولي التوفيق. Pour la parole du prophète صلى الله عليه وسلم, le jeûne, c'est le jour où vous jeûnez. Et la fête de l'Eid al-Fitr, c'est le jour où vous tous vous l'accomplissez. Et l'Eid al-Adha, c'est le jour où vous tous, vous l'accomplissez. Ce sont des ibadats, c'est-à-dire des ibadats qui sont accomplis en communauté. Ce n'est pas chacun qui fait tout seul. Donc ça, c'est, elles se font en groupe. Et c'est auprès d'Allah qu'il y a le succès. Al-Su'al al-Khamis. La question numéro 5. كيف يصوم الناس إذا اختلفت المطالع؟ وهل يلزم أهل البلاد البعيدة كأمريكا وأستراليا أن يصوموا على رؤية أهل المملكة لأنهم لا يتراءون الهلال؟ Comment jeûnent les gens lorsque il y a plusieurs paroles prises pour l'entrée du mois? Pour déclarer la vue du croissant de lune. C'est-à-dire que les pays, chacun, chaque pays, il considère sa propre vision lunaire. Et est-ce que les gens qui habitent dans des pays lointains, comme en Amérique ou en Australie, est-ce qu'ils doivent prendre en considération la vision lunaire du royaume, c'est-à-dire de l'Arabie Saoudite? Car eux, dans ces pays-là, ils n'appliquent pas cette règle-là. Les gens ne prennent pas la sunna du prophète, sallam, qui est de regarder le ciel pour voir si il y a là le nouveau croissant de lune. Al-Jawab, la réponse. As-sawabu, i'timadu al-ru'yati wa adamu i'tibari ikhtilaf al-matali' fi dhalik. Donc il dit, la bonne réponse en cela, c'est de suivre la vision et de ne pas regarder les différentes visions lunaires qu'il peut y avoir. C'est-à-dire, le cheikh là, il va détailler la question. Je vais vous laisser, pas peine de parler maintenant, puisque le cheikh va détailler. لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِاعْتِمَادِ الرُّؤْيَةِ وَلَمْ يُفَصِّلْ فِي ذَلِكَ. Car le prophète sallam a ordonné de prendre en considération la vision lunaire, sans entrer dans les détails. Sans entrer dans les détails. وَذَلِكَ فِي مَا صَحَّ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Et ceci dans ce qui a été authentifié du prophète sallam, أَنَّهُ قَالَ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30. مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ. Dans ce hadith, le prophète sallam a dit: jeûnez lorsque vous le voyez, c'est-à-dire le croissant de lune. Et terminez le ramadan lorsque vous le voyez, le nouveau croissant de lune. Et si vous avez eu un empêchement, des nuages, le ciel était gris, ça vous a empêché d'avoir un ciel clair, de pouvoir voir, alors terminez Sha'ban 30 jours. C'est-à-dire terminez le mois 30 jours. Car comme vous le savez, alhamdoulilah, les mois, le calendrier musulman, c'est un calendrier lunaire. Ce n'est pas un calendrier solaire comme le calendrier grégorien. Le grégorien, il est solaire. Le calendrier musulman, qui était le calendrier des Arabes avant l'islam, c'est un calendrier qui est lunaire, qui comporte 12 mois, comme Allah a décrété qu'une année, elle comporte 12 mois. Et le calendrier lunaire, les mois, les 12 mois, chaque mois a soit 29 ou 30 jours. Il n'y a pas moins que 29 jours et il n'y aura pas plus que 30 jours. C'est 29 ou 30 jours. Et le même mois n'a pas toujours le même nombre de jours durant les années. Une année, le même mois, il a 29 jours. L'autre année, il en aura 30. C'est 29 ou 30. Le 29 au soir, le lendemain, on ne sait pas. C'est soit c'est le 30 ou soit c'est le premier du nouveau mois. Donc, on regarde le ciel pour voir le nouveau croissant de lune. Et là, le 29, c'est quand? C'est mardi. Inch'Allah, mardi. Donc, après-demain, mardi, on est le 29 du mois de Sha'ban. Donc, le 29 au soir, donc mardi soir, après le Maghrib, les gens sont censés regarder le ciel pour chercher le nouveau croissant de lune. S'il est vu, le lendemain, c'est le mercredi, on sera le premier Ramadan. Si il est décidé, parce qu'à cause d'un empêchement, on n'a pas pu le voir, personne n'a pu le voir. Mercredi sera le 30 de Sha'ban et Ramadan sera jeudi. Donc là, Ramadan, ça sera soit mercredi ou soit jeudi. On ne peut pas prévoir des années à l'avance. Ce sont des menteurs, ceux qui croient pour faire plaisir à je ne sais qui, ou pour faciliter des gens qui travaillent pour prendre leur jour, de dire des années en avance, c'est un mensonge, ce n'est pas possible. Tous les 29, on doit regarder. Jusqu'au 29 au soir, on ne sait pas le lendemain si on est le premier ou on est le 30. Et ça, c'est pour tous les mois. Ce n'est pas que pour le mois de Ramadan. C'est pour tous les mois lunaires. De Muharram jusqu'à Dhul-Hijjah. Les 12 mois, chaque mois, c'est comme ça que ça se passe. Le hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne jeûnez que lorsque vous voyez le nouveau croissant de lune. Sinon, terminez le nombre de jours, c'est-à-dire faites 30 jours pour le mois dans lequel vous êtes. Et n'arrêtez de jeûner, c'est-à-dire vous ne ferez le Eid de l'Fitr qu'une fois que vous avez vu le croissant de lune, sinon terminez le mois de Ramadan 30 jours. Et les hadiths sont nombreux qui vont dans ce sens. وَلَمْ يُشِرْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِلَى اخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ. Et dans ces hadiths, le prophète sallam n'a pas parlé des différents endroits dans le monde qui ont leur propre vision lunaire. Alors que lui, il le sait, qu'il y a des contrées qui sont très lointaines par rapport à l'endroit où il est, alayhi salatu wassalam. Wa qad dhahaba jam'un min ahli al-'ilm ila anna li kulli baladin ru'yatuhu idha ikhtalafat al-matali'. Et certains, un bon nombre des gens de science, eux voient l'autre opinion, qui est que chaque pays, chaque contrée, chaque région a là sa propre vision lunaire, c'est-à-dire qu'elle est indépendante de l'autre. واحتجوا بما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لم يعمل برؤية أهل الشام. Et la preuve, l'argument de ceux qui voient cette opinion, c'est le hadith authentique d'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, que lorsqu'on leur a informé à Médine que le Hilal avait déjà été vu en Syrie, Fisham, il n'a pas été pris en considération. Ils ne l'ont pas pris en considération. Wa kana fil Madina radiyallahu anhu, alors que lui il était à Médine. Wa kana ahlu Sham qad ra'aw al Hilal laylat al Jum'ah. وصاموا بذلك في عهد معاوية رضي الله عنه. Alors que في الشام, en Syrie, le Proche-Orient, le Sham, c'est le nom de tout un territoire qui comporte aujourd'hui, on l'appelle en français le Proche-Orient, qui comporte quatre pays. Tous ces quatre pays forment le territoire qu'on appelle al-Sham. La Syrie, le Liban, la Palestine et la Jordanie. Tous ces pays-là forment le territoire qu'on appelle al-Sham. Et eux, ils avaient vu le Hilal la nuit du vendredi, c'est-à-dire jeudi soir, car la nuit, elle précède la journée. D'accord ? Le jour, on dit là, on est dimanche, ce soir, à partir de le Maghrib, on entre dans la nuit du lundi. On rentre dans la nuit du lundi. La nuit, elle précède. On rentre dans le jour en nuit. D'accord ? Et c'est pour ça qu'après l'Asr, on termine le jour. Avant le Maghrib, on est en train de quitter le jour. Comme vous savez, le vendredi, c'est un bon moment pour faire les du'as, parce que ça, le vendredi part. On quitte le vendredi, il y a le Maghrib, on rentre dans le samedi. Donc la nuit. Et c'est pour cela que si le Ramadan, c'est mercredi, mardi soir, on fera Tarawih. Pourquoi ? Parce qu'on est la nuit du premier jour de Ramadan. Et puis, lorsque le mois de Ramadan vient terminer, et on nous dit demain, C'est l'Eid, c'est la fête. Ce soir, on ne fera pas Tarawih, parce que ce n'est plus une nuit de Ramadan, c'est la nuit du premier Shawwal. Et même pour les naissances des enfants, pour compter le nombre de jours, pour la Aqiqa, l'enfant il naît à quelle heure? Il faut voir, est-ce qu'il est né avant le Maghrib ou après le Maghrib? Si l'enfant il naît aujourd'hui, on est dimanche, mais il naît à 23 heures, donc ça sera après le Maghrib. Ben donc il est né lundi. On compte pas le dimanche, on compte le lundi. On commence par compter le lundi. S'il naît dans la journée ou il est né hier soir, eh ben c'est compté pour dimanche. Vous avez compris? Voilà. Donc, وكان أهل الشام قد رأوا الهلال ليلة الجمعة وصاموا بذلك في عهد معاوية رضي الله عنه. Donc, أهل الشام, les gens du Sham, ils avaient vu le hilal la nuit du vendredi et ils ont jeûné. Vu qu'il y avait eu cette vision, c'était à l'époque hein, du califat de Muawiyah, radiallahu anhu. Muawiyah, un honorable compagnon, un des scribes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il écrivait le Coran à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est le grand calife de l'islam après les quatre califes bien guidés. Il a gouverné pendant plus de 20 ans, radiallahu anhu. Et c'est le fils d'un aussi un grand compagnon qui est Abu Sufyan ibn Harb radiyallahu anhu. Amma ahlul Madina falam yarawhu illa laylat as-sabt. Ah, mais les gens de Médine, eux, ils n'avaient vu le hilal que la nuit du samedi. Les Ahlul Sham, ils l'ont vu jeudi soir. Et Ahlul Madina, ils l'ont vu vendredi soir. Faqal ibn Abbas, lorsqu'on lui a rapporté ça, فقال ابن عباس رضي الله عنهما لما أخبره كريب برؤية أهل الشام وصيامهم نحن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل العدة. Et donc, lorsque Karib a rapporté l'info, l'information à Ibn Abbas رضي الله عنه, il a dit, nous, on l'a vu la nuit du samedi et nous jeûnerons jusqu'à qu'on voit le nouveau croissant de lune, ou alors on termine le mois 30 jours. واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته الحديث. Et aussi, ils se sont servis de ce hadith. Jeûnez lorsque vous le voyez, le croissant de lune, et arrêtez de jeûner lorsque vous le voyez. وهذا قول له حظه من القوة. Bien que le shirk, il a dit qu'il voit l'autre opinion, que lorsque une contrée l'a vue, tout le monde est concerné. D'accord? Mais là, il dit, mais cette opinion, elle a aussi quand même une force dans l'argumentation. Hein? Elle a un poids dans l'argumentation. وَقَدْ رَأَ الْقَوْلْ بِهِ أَعْضَاءُ مَجْلِسْ هَيْئَةِ كِبَارِ الْعُلَمَا فِي الْمَمْلَكَةِ الْعَرَبِيَةِ السَّعُودِيَةِ. Et cette opinion a été prise par le bureau, le conseil du comité des grands savants du royaume d'Arabie Saoudite. Bien que, rahimahullah ta'ala, ça en était lui le président. Et puisque la majorité des membres du comité des grands savants a vu cette opinion, c'est celui-là qui a été pris en considération. Alors que lui, c'était lui le président. Raïs Hayat Kibar al-Ulama, rahimahullah ta'ala. Jam'an bayn al-adilla. Hein? Et en cela, on a réuni entre les preuves et les arguments. Wallahu. Et c'est auprès d'Allah qu'on recherche le succès. Concernant ce point-là, un point important, les ulama nous expliquent que si l'autorité dans un pays, c'est elle qui prend la décision. L'autorité du pays, c'est elle qui prend la décision. Et on est face à ces deux opinions. Le croissant de lune, il a été prouvé qu'il a été vu dans un pays. Ce pays, donc, déclare que le croissant de lune a été vu. Les autres pays qui ne dépendent pas de ce pays-là, soit ils suivent cette vision-là, donc ils n'auront pas besoin de regarder, puisqu'ils prennent, ou soit ils ne la prennent pas et ils se contentent de leur propre vision lunaire. Ça, c'est deux opinions qui existent. Quelle que soit l'opinion que quelqu'un prendrait, l'autorité, le gouvernant, met un terme à la divergence. Lorsque le gouvernement a pris une décision, il a pris une des deux opinions, l'autre opinion n'a plus lieu d'être. Pourquoi? Parce que le gouvernant, il met un terme à la divergence. Il met un terme à la divergence. Ça, c'est un point essentiel à savoir. Parce qu'il faut faire attention à des gens qui ont un comportement sectaire et qui ont des positions contraires à la sunna et de ce fait contredisent l'autorité du pays. Et de ce fait, contredisent l'autorité du pays et ils vont des adorations qui doivent être faites en groupe, eh ben, vous les voyez se marginaliser, se mettre à côté de la communauté et ils vont faire le Eid tout seul, ils vont faire le jeûne tout seul. Et ça, en général, ce sont des gens qui sont plus ou moins dans des idéologies de Khawarij. Allah nous en préserve. Ça c'est parmi l'impact que ça ramène. Wal'iyadhu billah. Donc l'autorité, elle met un terme. En France, le comité qui est reconnu auprès de l'État et qui représente la communauté musulmane, c'est ce qu'on appelle le CFCM. La question n'est pas qu'est-ce que un en pense ou pense pas, c'est la réalité. Et c'est eux qui font les déclarations pour ces adorations-là, comme le jeûne. Donc, nous, en tant que communauté, on reste regroupés là-dessus. On reste regroupés. Tant qu'il n'y a pas d'interdit religieux, mais quelque chose qui est acceptable dans la religion, on reste regroupés. Donc, s'ils nous disent, par exemple, ils nous disent, demain c'est Ramadan. Eh bien, demain, ça sera Ramadan. Demain c'est l'Eid, demain, ça sera l'Eid. Ça, c'est pour le bien général et c'est comme cela que nous enseignent et nous recommandent les savants de la sunna de se comporter face à ces sujets-là. Et une question qui se pose certains, des fois ils se disent, comment se fait-il quand on n'est pas encore à le Maghreb, on n'est pas encore au coucher du soleil et ils annoncent que demain c'est normal. Puisque la position qui a été prise, c'est de suivre des pays qui ont déjà eu la vision. Et eux ont déjà eu le Maghreb. Ils ont déjà eu le coucher du soleil. Donc, quand ils se réunissent et ils ont décidé, l'Arabie Saoudite, par exemple, a vu la vision lunaire, eh ben, on les suit dans cela. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et c'est pour cela qu'ils peuvent l'annoncer bien avant le Maghreb. Comprenez? Ça, c'est une question qui a déjà été posée et c'est ça la réponse à cette question-là. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين